Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières et mon nom est Jimmy Farley et je vais vous accompagner pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, on aura de la Pologne, The Richards Kramarski Project. On aura des États-Unis, Pattern Seeking Animals. Ensuite, Dave Kirshner des États-Unis. On aura d'Angleterre, Hats Off, Gentlemen, It's Adequate. Ça sera suivi de Mostly Autumn d'Angleterre. Ensuite, on aura Codis C d'Italie, Border Hills d'Italie. Et on va terminer l'émission avec un nouvel album de Steven Wilson. Alors, cette semaine, nous aurons une émission consacrée entièrement à des nouveautés dans le rock progressif moderne. Et on va débuter l'émission avec The Richards Kramarski Project, qui, comme son nom l'indique, est un groupe qui gravite autour d'un musicien multi-instrumentiste qui nous vient de la Pologne. Il vient de faire paraître son 8e album, qui s'intitule Father Son, duquel j'ai extrait la pièce de Goldfish. Ensuite, je vous propose pour une deuxième semaine consécutive un extrait du nouvel album du groupe américain Pattern Seeking Animals. Et je vais conclure avec trois chansons de l'album It, qui est une reprise du classique de Genesis The Lamb Lies Down on Broadway, qui est interprété par Dave Kirshner and the Sonic Elements. Mais auparavant, voici The Richards Kramarski Project de Pologne. Make something solid forming in the air. And the wall of death is lowered in Times Square. No one seems to care, they carry on as if nothing was there. The wind is blowing harder now, blowing dust into my eyes. The dust settles on my skin, making a crust I cannot move in. And I'm hovering like a fly, waiting for the windshield on the freeway. Sleep deep Yeah. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Je débute le deuxième bloc de l'émission d'aujourd'hui avec un album très attendu des amateurs de rock progressif. Il s'agit du groupe britannique Hats of Gentlemen It's Adequate qui vient de lancer The Uncertainty Principle. Ça, c'est leur 8e album studio depuis leur début en 2012. Et ensuite, pour terminer le deuxième bloc, on va entendre une longue pièce du plus récent album du groupe britannique Mostly Autumn. Mais auparavant, on va entendre Hats Off Gentlemen, It's Adequate. Stripes. watching shadow mountains die. All at once I learned to fly. I could feel my breath inside. I could taste the flowers by. The way that she spoke, the way that I go, the way that I know. Unmistaken place, unmistaken place, shooting out the flames, this forsaken place. Forsaken place, shooting out the flames. Seawater calls, seawater falls. Call in, call out, fall in, call out, fall. Call out. Je vais consacrer le troisième segment de l'émission d'aujourd'hui à deux artistes italiens qui viennent de sortir chacun un nouvel album. Le premier se nomme Codis C et le titre d'album c'est Boom. Ça c'est leur deuxième album en carrière et ça vient tout juste de sortir et ça va être suivi par une nouvelle formation du nom de Border Hills qui viennent de lancer un premier album homonyme. Alors on débute ça avec Codis C. « falling to fears. You're not alone. I'm trying to pray. Since you've been gone, my frozen hand went. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. C'est déjà le quatrième et dernier bloc de l'émission d'aujourd'hui et je l'ai consacré cette semaine au nouvel album de Stephen Wilson. L'album s'intitule The Overview. C'est pour lui un neuvième album à titre solo. Et ce qui est particulier avec ce nouvel opus, c'est que Stephen Wilson revient à son style progressif d'origine, qui l'a si bien servi dans le passé avec des longues pièces de rock progressif. Notamment, cet album contient deux longues pièces, dont Objects Outlive Us, de 23 minutes. Et c'est celle-là que j'ai choisi pour peupler le quatrième et dernier bloc de l'émission d'aujourd'hui. There was no ghost on the moor, no open window, no monkey's paw. There in the mist, you ask me, did you forget I exist? I said yes, but she played too hard to get. bag broke, sending eggs and flour crashing down to the ground, just like star clusters smashing. But no one will give her a glance, they just shuffle on home in a trance. The tiniest lies fill their hives up with worry. To make it to church, well, she'll need to hurry. When late she will bow down contrite, while a meteor turns out the light. Hilarious lottery street, a car isn't where it would normally be. The driver in tears about his payment arrears. Still nobody hears when his son disappears in a galaxy of bars. Attitude, can I be of service? His boss made him clean all the cars, while he wondered, is there life on Mars? And meanwhile the stars line themselves up in order, while we bicker on with our fences and borders. But best not to think about that, it's better to live without facts. And now in her old wedding bed, a lady dream that her husband is dead. Of course he's alive, he'll be home around five. Still silence arrives when a nebula dives into our Milky Way. was no on the moor. No open window, no, no monkey's paw. And there in the mist, you ask me, I said yes, 'cause you play too hard to get. Thank you.